émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée, bienvenue à vous tous, le Planète Rap consacré à Lino et l'album qui arrive dans 6 jours maintenant. L'album c'est Requiem. Ça va bien Lino? Ouais, ça va et toi? En pleine forme, il y a Calbo qui est là aussi. Oui. Tequila avec les dates de concert. Ça va aller pour mes frères. T'es mort maintenant. À pas loupé tout à l'heure, Teufa qui est là, comment va Teufa en pleine forme? Teufa, croisons poste. En mode supporter. Zlatan. Ah oui, c'est, mais c'était hier le match Teufa. Ouais mais c'est pas grave, tu es en mode supporter. Ouais, tu supportes tous les jours. Ouais, tout le temps, c'est dans le cœur. Supporter. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est truc... évidemment le, pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas les images, c'est le maillot de Paris que tu portes. Tu sais que ça en général, ça va, je vais avoir plein de messages qui vont dire ouais. Et bah, Paris. Si vous voulez vous défouler sur Teufa, allez-y hein, ce soir. Ouais, défoulez-vous sur lui. Envoyez des messages. Nous, on n'en peut plus personnellement. Il y a Doku qui supporte l'OM, il va nous en parler tout à l'heure. Le hashtag ne sur Skyrock. Alors, Lino, tu dis un petit mot sur les invités de ce soir. Qu'est-ce qui va se passer sur l'émission? Oui, il y a des choses qui vont se passer. Oui. Alors, les gens autour de la table, on a LFDV qui est avec nous. LFDV qu'on a pu dégager d'ailleurs pour ceux qui aiment le rap, artiste, on a pu plein de talent sur l'album de Youssoupha, sur l'album de Kerry James. Et puis sur ses projets à elle, hein, si on suit aussi. Sur l'album à elle, j'espère aussi. Cette année, ce serait pas mal. Et l'année, non, mais il y avait eu un petit EP, c'est ça, qui était sorti, quelques titres, qui était sorti il y a quoi, il y a 2 ans maintenant. C'est ça, en 2012. Ouais, ah oui, ça va vite. Ah oui, ça va très vite. Ça va très vite. Et tu es venu avec un morceau, c'est ça, ce soir, si je me plante pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est. On est venu. Ah, tu fais partie du. Pardon, Teufa, excuse-moi. Ah, parce que Teufa, le problème de Teufa, c'est qu'il veut pas, il veut laisser personne parler. Laisse ta jeune femme parler, monsieur. Non. Non, vas-y, Teufa. Non, parle. Laisse-la parler. On l'a vexé. Non, mais t'inquiète, il va s'en remettre. Alors, quel est ce morceau? Papa ce soir remix. C'est le Papa ce soir remix. C'est ça, un morceau qu'on a fait avec Lino l'année dernière. Yes, Lino, Seth Gecko, Youssoupha. Et ben, on pourra le découvrir aussi ce soir avant 21h. Voilà, il faut. Et puis plein d'autres surprises. J'ai entendu en effet Doku qui est là, qui est présent sur l'album. Doku est là aussi. Ouais, on a fait un morceau. Faute de français, un putain de morceau. Un petit mot sur Doku, toi, voilà. Comment tu l'as repéré, comment... Moi, j'ai entendu Doku la première fois sur un morceau qui s'appelle Jeunesse aveuglée. Et j'ai kiffé, j'ai parlé au frère, j'ai dit vas-y, il faut que j'ai cet artiste sur l'album. Donc il est passé, il a fait un truc avec moi et... impeccable. Et bon, on va le découvrir aussi. Et normalement, il y a Manon qui doit venir aussi. Manon du groupe Mutine. Donc on l'attend. Manon, où es-tu? De rêve et de cendre. On va débuter avec dans un instant. Yes. Mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Bah écoute, j'ai envie de commencer par bonne année, hein, c'est ce qu'on fait. Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année à tous les auditeurs, les auditrices, tout le monde. Je vis aussi chaud, j'ai sur le dos à mort des barreaux. Les formules et autres politesse, nous on s'en fout. Tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. Ça vient de tomber à l'instant. Yes. Ça vient de tomber. AFP de Villiers-le-Bel qui vient de tomber, voilà. Directement. Yeah. Il n'y aura pas une mais 2 semaines avec Monsieur Lino sur ces années. Avant toute chose, je pense que t'as vécu aussi, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps, on dit t'as pris un peu de retrait, on t'a pas entendu. Oui. Pourquoi t'as pas sorti avant l'album, machin, mais. Je sais pas, c'est quoi ça, voilà, c'était quoi vivre? Bien, tu vis, bien, c'est ben, voilà, il est devenu fort. Mais t'as compris le truc, voilà, l'expérience, il faut vivre, faut apprendre. Vivre, apprendre, tu vois, il faut élargir, tu vois, le panorama, faut regarder les choses. Moi, c'est ce que j'ai fait. Yes! Ça claque, je suis là pour charcler. Sexe ou bombe, ici ou toi pour charcler. Le hip-hop attaqué, marquer l'époque et me glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas policé. On va pas revenir sur le côté âge de glace et tout, mais Lino, toi, de revenir dans cette nouvelle façon de vendre la musique quelque part. Mais c'est vrai que ce qui change, c'est la consommation de la musique. Tu vois, au-delà même de tout ce qu'on est en train de dire là, c'est la consommation de la musique. Tu vois, on est un peu... C'est des consommations qui sont assez courtes, quoi. Tu vois, les gens, ils ingèrent la musique et ils la recrachent très vite, quoi. Ici, beaucoup mis sur les gros coups méprises. Le métro boulot sous emprise et joue du trop coup. Stitch, attise des flammes, convoitise des belles femmes. Sous le soleil de Satan, les anges sont infâmes. Satan, pire en t'attend, plus de billets. La devise, estropiée. La paix peut aller se rapier, la crise. Consumer le ghetto et ses rejetons. Le sort est toujours plus vicieux avec ce qu'on a rejeté, les jetons. Ça rentre, ça sort. La vie, c'est pas un feuilleton. Un long fleuve tranquille ou un putain de bouquin feuilleté cueille. J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto. Comme à la roulette russe, les taux se resserrent, l'état met le veto. Les jeunes se mettent au rap préto. Ils frappent la résistance et prêtent au micro. Je deviens MC à métaux. Les barreaux de prise, si t'enfermes l'expression orale. Nique la morale. Le rap est sous pression quand l'inoral. Le pression de la gâchette ici ou le viscère. Mon album s'achète comme un douze bien vicié. Serment la pointe des mots des frères de soigne. Mes mots en témoignent. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, que le port s'éloigne encore. Un autre prétexte, un texte violent. Mais voilà, j'ai pas joué du violon. Faire des rimes à la mort, moi l'insolent. Mon solo rap fou, crée le double leg. Moi le micro, déjà les accros veulent des boutons. Lâche sur leur sale style, en leasing aussi. Lily, mec le cash et l'illicite. Lily, lascar, ok, je m'affilie. Ok, j'taffe, j'milite. Le ciel m'a limite. J'suis l'élite des ruelles sur la liste des lyricistes qui te lâchent en silly. On lave le linge, sale en famille. Le poids des lettres au kilo du lourd. Là c'est plus du rap, c'est de l'altéro. Philly, on live du lab. J'lave les textes et l'inspire actuel. Pas ex-lutteur avec l'esprit malade à la Lex Luthor. Voilà, c'était hier soir dans l'émission avec Lino entre 20h et 21h. Passez une bonne soirée. Vos réactions, vos messages, allez-y. Hashtag Lino sur Skyrock dans le studio. Lino avec nous entre 20h et 21h. Lino, je te sens déconcentré ce soir. Hein? Je te sens pas dedans ce soir là. Non, toi je te connais, toi commence pas tes conneries, frère. Ça va. Non, on est toujours très concentré, on est là. Bon, on a fait le tour de table, je crois qu'il y a une nouvelle venue autour de la table. Ouais, il y a Manon qui vient d'arriver. Manon du groupe Mutine, comment ça va Manon? Salut, ça va bien et vous? Bah écoute, on est bien, non? Ouais, on est très bien. Ça veut, c'est un peu agité, il y a du monde. Il y a des noirs. aussi. Ouais, y a du monde, aussi. C'est clair. Y a des choses qui arrivent. Il y a. Tu connais Tequila, il y aura bientôt. C'est un grand classique de l'émission maintenant. Ah, enchanté, bonsoir. Il va nous faire les dates de concert de Lino. Calme-toi. Loupé tout à l'heure. Les affaires, okay. C'est bon. Un petit mot quand même sur Manon, s'il te plaît, Lino. Toi, tu l'as entendu avec Tefa? Oui, voilà. Parce qu'on cherchait une voix spécifique, un peu dans le genre de ce qu'elle fait. Et on avait besoin de ça. Il m'a parlé d'elle. Et j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Et j'ai apprécié son travail. Et on a fait un putain de morceau. De rêve de sonde. Yes. Toi, Manon, vous êtes deux hein, dans le groupe Mutine, c'est ça? C'est ça, Mutine, c'est un duo. Ouais. Où est le collègue? Quoi et que... Silvio qui est juste là. Silvio qui est là, ouais. J'ai vu arriver. Silvio, je viens de dire un petit bonjour, Silvio. Salut, bonsoir. Salut, bienvenue, Silvio. Yes. Vous êtes quoi, plutôt pop électro? C'est ça, ouais, pop, chanson, ouais, exactement. Et je suis super contente d'avoir participé à ce morceau avec Lino. C'est un beau morceau et je suis vraiment fière et contente. Toi, quand tu en as parlé, tu connaissais Lino, tu connaissais Arsenic? Bien sûr, ouais, bah c'est quand même ça un groupe hyper connu. Ouais, bien sûr, hyper connu. Et je connaissais un petit peu Lino et ça m'a vraiment fait plaisir. Carrément. Et nous sommes en flattance. C'est le petit moment flattance qu'on est. Quoi, il en faut. Mais, il en faut. C'est des filles plus souvent, c'est pour ça. Exact. Il y a des femmes dans l'album. Ah oui, on peut le dire. Il y a des femmes dans l'album. On peut citer également qui est sur l'album. Oui, bah, t'as Zao. Zao qui est sur l'album, Manon. Manon. Et il y a Léa Cassel qui fait un piano sur le morceau Au Jardin des Ombres. Ok. Il y a qui encore? Et ben voilà. Il y a ma sœur. Qui a bossé dessus. Non, il y a ouais, quand même. Ouais. Si on écoutait d'ailleurs ce morceau après la flatance, si on écoutait ce morceau de Rêve et de Cendre. Ah, moi je suis bon. Qui est un très beau morceau de l'album en effet. Ah, avec allez-y. Manon qui est là. Et on débute le Planète Rap avec, c'est parti. Dis-moi quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. Au bord du monde, je regarde le gouffre, et le gouffre me regarde aussi. La faim tarde, ça sent le soufre, et la tumeur a grossi jusqu'à mon dernier souffle. Je lutte l'image hardcore, on se la forge. Je voulais brailler encore, mais le cri est mort dans ma gorge. J'ai pris un cahier, je gratte mes plus belles colères. Pas des mots d'excuses perdus dans le système solaire. Mes textes fusent loin des rimes scolaires. Je verrai où les BPM me mènent. Parce qu'ici, tu peux être qui tu veux, à part toi-même. Les semaines, les mois, les années brûlent des fils, on pose des heures. On n'est plus des gosses, l'âge adulte, c'est comme le signe

Bah, il est né comme la plupart des morceaux. Hein. On a un son et après nous on travaille avec. Et puis moi j'écoute et j'entends. Tu vois ce que je veux dire, ça veut dire il faut le son pour bosser. Pas sur tous les morceaux. Ça peut arriver que j'ai écrit un truc et puis on cherche le son qui est adapté au morceau. Mais pour celui-là, voilà, on voulait une voix spécifique. Je voulais pas un truc trop R&B-sant, trop, tu vois. Et la sœur a fait un truc sérieux. Ouais, je pense que tu voulais une voix un peu douce en fait. Exactement. Une petite voix douce. Une douceur. Une petite douceur, voilà. Il y a ça. Bonbon, on appelle ça bonbon. Et Manon est arrivée. Exactement. Mmh. Et ça fait un super morceau. Et ça fait un super morceau qui s'appelle De rêve de sang. Les images arrivent aussi de ce morceau. Ouais, normalement. Prochainement. Ça, après, je parle sous contrôle d'un huissier, j'aime dire ça. C'est une fois ce que j'ai dit, parce qu'il y a un huissier. Il y a un huissier dans mon dos, je parle sous contrôle d'un huissier. Je peux pas dire tout et n'importe quoi. Je suis sous contrôle. Alors, attention, l'huissier, Tophin. Hein? On est en train d'éplucher les bulletins, et on va savoir ça à fin de semaine. Et toi, Tophin, pourquoi d'un seul coup t'as pensé à Manon sur ce morceau? Tu te dis, tiens, il faut que j'y présente, il veut quelqu'un de différent, il veut. C'est pas que j'ai pensé à Manon. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que, Lino, on était parti sur un autre concept et au début il voulait un truc avec une comédienne. On était parti sur ça. Après il me dit, moi je veux un truc qui me sorte du rap ou de l'urbain. Je veux un truc complètement atypique. Donc après on a discuté et je lui ai proposé plusieurs voix et il a vraiment arrêté sur elle et il m'a dit c'est elle que je veux. Voilà. Et voilà, après donc je l'ai contacté. C'est l'histoire. J'ai fait la connexion. Manon, la connexion, première fois que tu poses avec quelqu'un dans le rap, dans le milieu du rap. Ouais, c'est la première fois. Et justement, c'est vraiment cool parce que c'est la rencontre de deux univers et c'est vraiment ça qui m'a intéressée. C'est quand tu m'en as parlé, Tofa, c'est ce qui a attiré mon attention. J'ai trouvé ça très cool. Si on veut écouter, par exemple, s'il y a des gens qui veulent découvrir Mutine, quel morceau il faut écouter en priorité? En priorité, un beau morceau, un récent ou Notre nouveau single qui s'appelle À nous deux. J'ai sorti il y a quelques semaines. Donc À nous deux de Mutine, voilà, si vous voulez découvrir. Découvrir un petit peu l'univers et tout. Ouais, sur iTunes, elle est dispo, donc n'hésitez pas. D'accord, et ben on ira cliquer aussi. Allez cliquer les frères. Allez faire un tour. On met un morceau peut-être avant les pubs, comme on a aussi LFDV qui est là, Lino. Yes. Est-ce que tu veux qu'on mette le morceau où tu poses d'ailleurs? On peut faire Papa ce soir, remix. Excellente idée. Je sais. Je passe pas souvent en radio, j'en profite du genre. Ah oui, chez LFDV, c'est un peu. Quand tu parles, il y a Tophin qui veut rajouter quelque chose derrière. Non, le clip est disponible. Il faut qu'il arrête. Lui, il faut qu'il arrête sur ma vie. Lui, il faut qu'il arrête. Lui, il faut lui couper son micro direct, frère. Non, mais c'est important. Frère, laisse les artistes. Le clip est disponible. Donc allez voir le clip. Donc LFDV. Et bien bon, l'huissier. Pas ce soir, remix. Maître Sean Bachelet. Son nouveau blaze. Maître Sean Bachelet. Pas ce soir, remix. Et d'ailleurs, un petit mot quand même aussi sur l'histoire de LFDV. Oui. Si on doit découvrir des morceaux, s'il y a des gens qui vont découvrir ce soir. Bah, y a donc ce fameux EP qui est sorti en 2012 qui s'appelle Je ne sais pas, où il y a pas mal de versions différentes avec beaucoup de dubstep. Et donc ce morceau, Papa ce soir, remix. Et toi, t'as fait plusieurs, pour le coup, connexions avec des gens issus du milieu du rap. Hein. Tout à fait. Mmh. Bah, c'est aussi le fait d'avoir travaillé avec Tophin, j'ai eu cette chance. Peut-être. J'ai rencontré plein de gens au studio, et dont Lino, ça a été une super rencontre. C'est moi. Mais en même temps, c'est bien, parce que c'est vrai que c'est des gens... Non, mais Lino, toi, t'as connu, toi, cette période... On va pas refaire l'âge de glace d'hier soir, mais... Non, commence pas avec ça. Non, mais cette période où, c'est vrai, le rap était quand même très enfermé, s'ouvrait très peu et restait dans son milieu. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même une vraie belle ouverture. Toi, ça te pose pas de problème d'aller chez des gens qui sont issus de la scène pop électro? Non. Pop rock? Non, aucun problème, parce qu'en fait... Encore heureux? Non, bien sûr, mais... Si, c'est problématique. Ça se faisait. Non, mais ça, c'est exactement... Vas-y, Bocal, en chaîne de chute. Ça se faisait déjà à l'époque. C'est vrai que je me souviens de remix de Box avec les mots qui étaient très... On avait fait avec Paul Person, voilà, qui est un mec qui est blues français, qui a, vraiment, tu vois ce que je veux dire, ça n'a jamais été un problème, parce qu'en fait le rap pour vous Arsenic, oui, pour nous, mais parce qu'en réalité nous on est vraiment dans la... Quand t'es vraiment dans la culture hip-hop, tu sais qu'en réalité la seule problématique du rap, c'est que ça reste toi, rap. Peu importe avec qui tu travailles, c'est pas le problème. Ça reste le genre d'instru. Exactement, on s'en fout de ça. Ça reste rap, hip-hop, dans la mesure où tu le fais rap et hip-hop. Tu vois, quand tu restes dans les codes, il y a aucun problème avec, tu vois. Moi, j'arrive pas, j'essaye pas de chanter. Elle chante, moi, j'essaye pas de chanter. Tu vois, je sais pas chanter. J'ai jamais essayé. J'ai une voix de merde. T'as jamais. Non, j'ai une voix mais de merde. Mais avec les nouveaux appareils qui te permettent de. Non. Mais il y a des gens. Il y a des autotunes. Non. Ils sont pas sortis. Il est cool. Ah, il y a un morceau autotune. Non, de quel sample rail. Cheblino. C'est Cheblino. Tellement je t'aime. Tellement non, une non, non, non, mais regarde. Non, s'il te plaît, non, non, mais nous avant la fin de semaine. Tranquille, t'inquiète pas. Non, mais il va le faire. Il va le faire, c'est son pas, truc. Je te l'emmène. Il aime ça. Non, mais voilà, dès la mesure où on reste truc, moi j'aime bien ouvrir les horizons, il n'y a aucun problème. Tant que tu restes toi dans ta ligne, il n'y a pas de problème. Ça fait une tuerie, le mélange et le métissage. Et vous, je suppose aussi, les filles, bah, vous, pour le coup, dans votre milieu, justement, l'ouverture, aller vers d'autres gens différents, c'est pas un souci, hein. Oh, pas du tout. Au contraire, ouais, ça, on se nourrit, en fait, des autres artistes, en fait. C'est hyper important, je pense, de collaborer, de. Ça amène des trucs dans notre vie. Vous écrivez pour d'autres, vous bossez pour d'autres aussi? Oui, pour ma part, j'écris des chansons pour d'autres. La plupart sont pas encore sorties, mais c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. J'aime beaucoup. Toi, Lino, t'as commencé à t'écrire aussi un peu une époque. Oui, j'ai. Bah, moi, en fait, c'est pas une spécialité, mais quand on me le demande, je le fais. Ouais. Tu fais? Ouais, quand on me le demande, je le fais. Je l'ai fait, ouais, pour quelques artistes. C'est Mais c'est un exercice que t'apprécies aussi, voilà. De prendre l'univers d'un autre, de se mettre dans l'univers d'un autre. Ouais, c'est une bonne chose. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire un peu plus tard, vraiment plus sérieusement. Mais voilà, ça me pose pas de problème. Et ben dans un instant. S'il y a des gens qui ont besoin de texte, c'est le moment où jamais te demander. Avec le hashtag Lino. Appel. Le hashtag Lino sur Skyrock ou le. J'ai des textes en stock. 41759 pour les messages. Allez-y, balancez vos messages. Dans un instant, on vous présentera aussi Doku. Yes, avec nous, il fera un live. Aussi, et finalement, on est un peu à la bourre, donc on met la pub et on met juste après le morceau LFDV. Yes. Lino a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Et on écoute ce morceau LFDV maintenant sur Skyrock. Elle a le regard qui tue. Elle va chez son leur, dit ça sent le rancard qui pue. À qui le dis-tu? Elle aime voir défiler les bouteilles. Mec, la haute couture de chez Moët. Elle va finir sous une couette. Se faire tirer celle qu'elle a sur la tête. Elle prend de la méta en fait. Elle aime faire la fête. Elle est noctambule. Pour elle, le champagne, c'est de l'or en bulle. La bijouterie pour vestir de la joaillerie pour urètre. Elle dessine sur la cuvette, elle se fait des tresses en crayon. Du genre, petit bras s'il te plaît, dessine-moi un cacheton. Du MD dans un ponchon, ses yeux c'est deux feux xéon. Le sang pisse de sa cloison, elle a sniffé son prénom. Laisse pas traîner ta fille, yep, c'est toujours elle qui yep. À la poudre d'Elvira, elle ne dira jamais niet. Trace et balayette, yep, le crash et les paillettes, yep. Les big graveurs de crasse ont mis du crack dans l'allée, yep. Get, les contes de fées sont pas toujours magiques. Et même le marchand de sable te rebicrave la boue magique. Et je m'agite, réagis, c'est bien pour ça que je te cause. Ce n'est pas un train de vie de vivre sur un rail de coke. Et la cause, ambiance tendue, la rock à les drames. Sous alcool, elle est défendue par la vodka du diable. Les potes qu'à les larmes, leur vice, je le vois bien. Fais gaffe à ta fille, j'ai vu la vie de celle du voisin. Du voisin. Princesse, princesse n'aime pas les surprises. Elle veut savoir quelle drogue elle pourra tester. Laisse pas traîner ta fille ou son fils sera ma tête. Darling sort en plus de traces, elle a sniffé des paillettes. Nino Brown vend de tout, bienvenue au droguerie Lafayette. Sans MDMA, c'est Koh-Lanta, chacun son addiction. Votre carré de bulle, coke pilon, qui va payer l'addition. La poudre d'ange donne un rythme maléfique, un peu comme Skrillex. Elle dansera devant mes bars parce que princesse n'a pas de complexe. La voix du diable chante, il m'en faut plus, c'est pas. L'héroïne du film n'est pas celle que l'on croit dans le bras serein du SP. Elle craque, craque, craque, toto qu'elle en prend. Les doliprane, c'est pas fiable. Papa, ta fille te raconte des fards. Amy Winehouse, c'est no we are, c'est no we are. Mauvais côté du paradis où le diable fait des emplettes. Elle sait pas lire entre les lignes et prend la poudre des scampettes. Jamais sans Caroline. En fait, elle vit sans virgule, maudite tâche de naissance. Elle fête et fait son baptême du feu dans un bain d'essence. L'essence circule à Zombieland, cellule décapotable, l'orgasme en pilule. Elle danse avant que le ciel fasse son bilan comptable. Vibre-tu, je sais plus où je l'ai lu. Elle perd contact avec le réel. Elle perd contact avec le réel. Réel. Elle perd contact. Et braille en silence. Elle lutte contre son reflet, vit en freelance. La mort c'est pas pour cette fois-ci. Le sexe c'est une arme de poing, elle a la gâchette facile. Je dépeins l'envers du décor et derrière l'écran ça fait une balle copie. C'est tard ce soir, elle dort chez une copine. Skyrock et c'est le Planet Rap avec Lino. Lino qui est là. Et donc ce morceau où on retrouvait Lino, mais pas tout seul avec toi, pas LFDG. Pas tout seul, LECK, Seth Gecko, Youssoupha, que je remercie pour ce morceau. Et Asian Trash Boy à la prod aussi. Papa ce soir remix. Tout à fait. Qu'on peut mater, c'est ça, les images. On peut voir et qu'on peut aussi récupérer sur iTunes. Il est disponible. Et pour tous ceux qui ont vu Wolfgang, non mais pour tous ceux qui ont vu Wolfgang, il y a un clin d'œil qui se rejoint dans les deux clips. Donc autant aller les voir. Eh ben allez voir les deux, profitez-en, mais voilà. Tranquille, pas tout de suite. Là, on va profiter de l'émission. Oui, là, pour l'instant, on est bien là. Voilà, notez bien, c'était LFDV et des projets d'ailleurs pour 2015, LFDV, 2015, l'album peut-être. Tout à fait, j'espère. J'espère que l'album sera disponible en 2015. Et ben donc on suivra ça, LFDV, avec nous ce soir, avec Manon du groupe Mutine qu'on retrouve aux côtés de Lino sur l'album et ce morceau de Rêve et de Cendre. Lino, présente-nous celui qui est à mes côtés qui s'appelle Doku, qu'on retrouve sur ton album. Quelqu'un que tu as voulu avoir sur l'album aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Doku. C'est bien ça. Yes. Doku qui vient du site de Rouen. Exactement, Rouen. 7-6. Voilà. Bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai connu Doku par Jeunesse Aveuglée. C'est un morceau qu'il va faire tout à l'heure. Un putain de morceau que vraiment j'ai apprécié et j'ai voulu l'avoir sur l'album. Et donc on a fait le morceau Faute de Français, qui est aussi une sacrée tuerie. Et ben on va écouter un bout d'ailleurs de ce morceau dans un instant, si je me plante pas. C'est ça, hein, Lino? Ah, excuse-moi. On va passer un extrait. Excuse-moi parce que je regardais des trucs, il y a des connexions bizarres, j'arrête ça. Excuse-moi. Non, je disais, on va écouter un petit bout de ce morceau dans un instant avec vous. Oui, un petit bout de Faute de Français qu'on fera la semaine prochaine. Entièrement avec Doku, donc sous contrôle d'un huissier, bien sûr. Doku reviendra aussi la semaine prochaine. Et voilà. Puisqu'il y a deux semaines avec Lino, et ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, voilà, c'est la cool. bonne nouvelle, la bonne nouvelle du jour. Du bien. Soir. Doku, non? Franchement, ça déchire, c'est un honneur. Bah, toi, en plus, je suppose que Lino, Arsenic, c'est des choses que t'as beaucoup écoutées. Ah, j'ai énormément écouté, ça a bercé mon adolescence. Et franchement, c'est un honneur. Après, il y a quelques années, je me serais même pas dit que j'allais faire un morceau sur son album. Aujourd'hui, c'est le cas, tant mieux. Oui. Non, faut dire les choses. Je suis de l'humilité, Après la flatance, l'humilité ce soir dans l'émission. Voilà. On parle la langue française. Flatance, humilitance, quittance, quittance de loyer. Et Fakri par téléphone de Lyon. Salut Fakri. Oh là. Ça va, famille? Ça va et toi, Fakri? En forme? Ça va, tranquille. Donc, je fais un gros big up à Lino parce que j'écoutais l'essence sur YouTube, tout ça. L'album, il s'annonce vraiment explosif, franchement. C'est vrai, tu as raison. Ça a l'air d'être une tuerie, là. Sans être humble, c'est un bel album. On a essayé. On l'a, cet album de Lino, il s'appelle Requiem, il sort lundi. Et j'ai vu d'ailleurs qu'en précommande ça marche là, hein, ça marche fort. Hein. Quatrième. Ah, tous l'acheter là. Oui, il m'a dit ça. Le monsieur avec le t-shirt avec le maillot du PSG, il m'a dit que ça donc allait. Continuez bien à faire péter les précommandes. Ah putain, il est revenu. Là, on parle de chiffres. J'arrive. Il est revenu. C'est normal. Il est revenu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vendredi, on soit numéro 1. Même avant. Ouais, même avant. Même avant, on peut y aller. Voilà, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur, c'est bien. C'est Maître Sean Bachelor qui parle. Donc écoutez-le quand il parle, il sait de quoi il parle. Allez Fakri, on t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle. J'en sais quelque chose. Ok, MC Shadow, you know what I say. Yeah, 1, 2, 1. Yeah. Laisse la place au boss, mon équipe elle graille. Y'a Panam, on met du gloss et le bois de bout de feu de la maille. Le rap dans le rétroviseur, ce que de rétrograder. Pendant que tire de mon viseur, mon rap il prend du grade. Je n'ai peur de connaître de cette terre, il pourrait croire comparable à Dieu. J'ai mes principes, je t'aime pas les mères, j'espère que tu sais que c'est précieux. Ton flow je le mets à terre, ton rap je le mets à terme. Pas besoin d'être un clown pour avoir de la pointure. J'accélère, j'ai pas de frein, bouclez toutes vos ceintures. Mon peu s'a jeté ton flow par la fenêtre Windows, de mesurer au mètre. Mais qui ose porter couille si t'en as? Frère, le game est calé, flow de Tony Montana. J'suis venu te se vous calmer, j'ai les idées claires. Pourtant j'suis black, tu veux mon level, passe ta barre ton black. J'suis un pur machinard que les pompiers, t'inquiète, ils n'ont vu que du feu. J'écris mes textes comme un docteur, car j'ai un flow de malade. J'suis un carnivore, mais ces rappeurs racontent des salades. Syndrome de l'alchimiste, te transformer en or. Si j'suis mec, caille, toute ma famille d'abord. Vu que tu manques, tu respires, vous devoir te couper ton souffle. Mes punchlines sont ardentes, j'comprends pourquoi tu souffres. J'ai pris tellement de la hauteur que ces rappeurs en ont le vertige. Le rap est game, je joue en prestige. J'suis pas un tapis roulant, j'encule devant personne. Le jour les femmes sont moulants. Normal que t'es niqué là. C'est une femme dans l'alphabet pour avoir du caractère. Même sur le plus haut des sommets, je reste terre à terre. On est plus à l'euro, mais je reste franc. Je pars au super-héros, mes guéris te mettent en sang. T'as vu comment c'est un vélo, tu n'avances pas sans tes pédales. Au nom de tuer à ton perso, instinct un animal. Une fois qu'il est parti, on l'arrête plus. Pour le moment, je n'ai pas retroussé mes manches. Le rap, un jeu d'enfant. T'es mort à la première manche. Je transpire en studio, car j'ai besoin de qui est si je devais boxer ton flow. Il est chaud. C'est important de s'exprimer. Merci à toi, Fakri, à l'instant, du côté de Lyon, en freestyle. Merci à toi. C'est 990, c'est un faux. Ouais. Et grâce à tous ceux qui me reconnaissent, tous ceux qui me soutiennent. Et on peut te suivre où, alors, Fakri? Sur ma page Facebook, vous marquez MC Shad. Et MC, quoi, comme MC, espace, S-H-A-D-E. Mais à la base, c'est Shadow, c'est juste que je me suis trompé. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, c'était bien. Punchline d'anthologie, parce que moi, je les détecte, j'ai un détecteur. Ouais. Détecteur de pas besoin d'être un clown pour avoir de la pointure. Voilà, c'est la phrase du jour. C'est la phrase qu'il fallait retenir, et c'est vrai qu'il faut la mettre en rouge. C'est vrai que tous les soirs, vous êtes un clown quand pour avoir de la pointure. Bordel. Quand vous venez rapper dans l'émission, il y a le détecteur qui se met. Sérieux. Celui de Lino. Ah, moi, j'ai le détecteur de punch. Voilà. Donc, tous les soirs, je vais mettre une punch en exergue. Là, on parle français. Hein. Merci à toi, en tout cas, Fakri. Merci. Yeah. Merci, frère. Passe une bonne soirée. Des punches. Allez, tous acheter l'album de Lino, la famille. Yeah. C'est Requiem, l'album. Ça sort lundi. Moi aussi, je vais l'acheter. Avec beaucoup, beaucoup de punchlines. Ceux qui aiment les punchlines. D'ailleurs, Lino, est-ce qu'il y a certains, parfois, quand t'écoutes des artistes, t'es énervé en disant putain, j'aurais aimé la voir cette punchline, j'aurais aimé la sortir, j'aurais aimé l'écrire celle-ci? Oui, ça m'arrivait. C'est une chose qui t'arrive ou... Ça m'arrivait, mais en 98, 99. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Michel qui veut s'exprimer, je sais pas. Il y a un mec derrière toi qui. C'est la zigote. Qui c'est? Je ne connais pas ce monsieur. Je ne sais pas qui c'est, je sais pas. Je sais pas. Faire sortir aussi. Hein, je pense qu'il faut qu'il sorte. Je suis pour. Donc pour revenir sur les punchlines, non, maintenant ça va. Non, il y a des bons artistes, après on pourra en parler. Il y a des artistes qu'on va inviter qui viendront faire le truc, et voilà, c'est des mecs que j'apprécie, mais je suis un peu moins, c'est vrai, je suis un peu moins impressionné maintenant que quand j'ai commencé avec ma promotion de l'époque. Il y avait vraiment des enfoirés de punchliner. Ouais, quand même. Lino, l'album sort lundi, il s'appelle Requiem. On va écouter donc ce morceau. Enfin non, pas tout le morceau en intégralité. Non, ouais, faute de français, on va juste faire faute de français. On va faire refrain, couplet, un couplet, un refrain. Noise, c'est quand tu veux, balance le son. Ça figure lundi dans l'album de Lino. C'est parti. On s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage, mais on se comprend pas. On avance dans la même direction, mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas. Je roule sur la marge, je vis en parenthèse. L'encre coule sur la page, je repars en 16. Je marche, puis seul dans la foule. J'ai mon héritage sur l'épiderme. Ma tour 10 étages, j'écrivais ses viternes. Avancer sans la virgule, avec nos accents aigus. Ou la montée au circule, ma voix sans le vécu. L'écran allume les passions, c'est tension. Comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations? Des points d'interrogation, est-ce qu'on peut blâmer la misère? Partout la crise a besoin de boucs émissaires. Un retour à Babel, t'en passes trop vite, j'écris. Conflit de civilisation, à qui profite le crime? La raison manque à l'appel, on sait même plus qui a tort. La religion fait diversion, pendant qu'on chute à l'appel. J'saute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame et corriger les fautes de français. Ah oui, c'était rapide. Bonbon. C'était rapide. Non, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût. On va faire une morceau entière. Vous le ferez en live la semaine prochaine, ouais. Parce que Lino est là avec nous pendant deux semaines dans Planète Rap entre 20 et 21. Voilà, deux semaines, il faut. Tu oui, vois, il y a les progressivement. Faut tirer sur la tige. Bon, allez, réagissez déjà sur ce qu'on vient de vous donner, sur le petit bonbon. Dites-nous si la sucrerie vous a plu. 41759, le hashtag Lino sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. On continue un petit peu dans la même lignée, mais avec Doku cette fois-ci au micro. Ouais, c'est voilà. Ça. C'est un morceau qui est sorti de quoi que tu veux nous faire ou c'est un... Ça c'est pas compliqué, c'est un de mes tout premiers solos en fait. Ah bah c'est ce qui explique. Voilà, c'est le morceau que j'ai kiffé, le morceau Jeunesse aveuglée. C'est un morceau que j'ai écrit comme ça sans vraiment me prendre la tête et au final qui a eu un vrai succès dans mes alentours. Puis bah c'est venu jusqu'à Lino. Et puis certainement d'autres aussi. Puis ça fait plaisir. Voilà, quand c'est de la bonne musique, faut mettre ça en avant, voilà. C'est quand vous voulez. C'est la seule règle. Pour le live, Noise au platine, Doku. Jeunesse aveuglée, l'enfant du peuple. Les élèves ne répondent plus aux professeurs, demandent aux prédécesseurs où sont passés les classeurs. C'est la loi du pouilleux massacreur, Hagra, racket, génération prédateur. Acteur number one dans son film. La jeunesse, mauvaise graine, aime quand c'est speed. Souvent déscolarisée, à la merci du système. Habitué des pénitentiaires, quand il ressort c'est la même rengaine. Fasciné par l'illégal, petit frère avance dans le mauvais sens. L'illicite devient banal, car les plus grands ne montrent plus l'exemple. Jeunesse aveuglée, jeunesse aveuglée, corrompue par leurs erreurs du passé. À l'horizon y'a le pénitentiaire, les moins chanceux finissent internés. Jeunesse aveuglée, corrompue par leurs erreurs du passé. À l'horizon, y'a le pénitentiaire. Petit frère veut devenir le boss des boss. Parmi les boss, fini l'époque des pocs. Il joue avec la drogue. Fini les heures de colle. Le droit chemin où l'un passe la vie ou la mort. j'accumule les allers-retours en maison de redressement. Mais il fugue en direction de la rue en quête d'argent. Sa mère est fatiguée, fatiguée de ne plus le voir. Son père a perdu l'espoir. Quand on lui parle de son fils, c'est le trou noir. Jeunesse aveuglée. Jeunesse aveuglée. Corrompue par nos erreurs du passé. À l'horizon, y'a le pénitentiaire. Les mois, j'en se finissent internés. Jeunesse aveuglée. Corrompue par nos erreurs du passé. À l'horizon, y'a le pénitentiaire. Petit frère veut devenir le boss des boss. Petit frère a grandi trop vite. Pourquoi marcher? Il peut courir, le manque d'exemple incite. Fasciné par nos erreurs du passé. Pourquoi marcher pour tout effacer? Petit frère a grandi trop vite. Pourquoi marcher? Il peut courir, le manque d'exemple incite. Fasciné par nos erreurs du passé. Pourquoi chercher? Nous sommes la gomme pour tout effacer. Jeunesse aveuglée, corrompue par nos erreurs du passé. À l'horizon, y'a le pénitentiaire. Jeunesse aveuglée, corrompue par nos erreurs du passé. À l'horizon, y'a le pénitentiaire. Les mois de chance se finissent à terminer. Jeunesse aveuglée, corrompue par nos erreurs du passé. À l'horizon, y'a le pénitentiaire. Les mois chants se finissent internés. Petit frère a grandi trop vite. Pourquoi chercher? Le manque d'exemple incite. Fasciné par nos erreurs du passé. Pourquoi chercher? Nous sommes la gomme pour tout effacer. Ok. On peut faire un peu de bruit quand même pour à l'instant en live. Bravo. Monsieur Doku. Sérieux. C'est de la musique, frère. Un jeunesse gros big aveuglée. Up pour tous ces enfants aveuglés. Merci à toi, Doku. Rappelons d'ailleurs 2015 pour toi. Ce qui se passe, qu'on pourrait entendre de Doku. Un album en préparation. Qui est déjà, on arrive déjà à la fin. Après, c'est pas mal de collaborations, et des projets, des surprises. Sur l'album de Lino, on le disait aussi. Entre autres. On a eu un petit avant-goût il y a quelques minutes. Et du changement, un peu de changement dans la musique, ça fait plaisir. Ouais, c'est important. Faut parler pour les jeunes aussi, c'est important. Pas laisser les petits grandir comme des plantes. Voilà. Du coup, pour te suivre, toi, sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver? Sur ma page artiste Facebook. Ensuite, sur YouTube, il y a des vidéos. C'est D-O-K-O-U, hein, je dis ça pour. D-O-K-O-U. Pour les messages qui sont arrivés. Du coup, l'enfant du peuple. J'ai un peu de tout. Gens qui veulent le nom entièrement, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas, Doku, pour aller le suivre. Les filles aussi, s'il y a un petit mot sur Mutine, sur où on peut vous retrouver, vous suivre, s'il y a des gens qui vous ont découvert ce soir. Ouais, Mutine, on sort notre album. Attends, bien, voilà. C'est bon. Manon. Ouais, donc Mutine, on sort notre album là en 2015, bientôt. Vous pouvez déjà aller checker notre titre, notre nouveau single qui s'appelle À nous deux. Et venez nous faire un coucou sur Facebook, facebook.com/MutineMusic. Mutine Music. Je peux lancer une petite dédicace. Vas-y. Parce que mes collègues de travail ils vont me tuer. C'est, ah ouais, obligé. C'est pour mes désamianteurs. Avant de venir ici, on était dans une zone complètement. Oh, merde. Avec un masque, on fait des amiantages. Ça, c'est pour mes collègues et pour ma femme et pour ma famille. Et bon, salut à tous ceux qui ont bossé avec toi aujourd'hui. Exactement. Et que tu retrouveras peut-être demain d'ailleurs ou dans les jours qui viennent. Ah, demain, c'est ça. Toute la semaine. Toute la semaine, une grosse dédicace à vous. Le petit tour de table aussi, LFDV. Donc, on l'a entendu, un album peut-être pour 2015. Et pareil, pour suivre sur les réseaux sociaux, c'est LFDV, tout simplement, sur la page Facebook officielle.

j'écouterai tes silences. Lino à l'instant avec Manon du groupe Mutine. Sur l'instant, il est en train de discuter dans le studio Teufa. Profitons-en pour balancer quelques infos, notamment autour de ce morceau. Ben, je voulais, moi, big up Medellin qui a fait la prod et Guillaume qui nous l'a amené. Et tous les gens qui ont travaillé sur l'album, donc Fred, Sirius, Stani, Hops à la prod. Voilà, parce que ça, c'est l'équipe de l'ombre et qui ont fait que cet album a existé. Ils ont supporté, moi aussi, j'ai fait une prod. Ils ont supporté 2 ans. J'ai fait l'intro. Et ben merci en tout cas pour cette soirée. Vous voulez pas me remercier pour l'intro? Bravo, bravo. Merci. Fabuleux, merveilleux. Merci. Bravo. Quelle œuvre incroyable. Bah, il est bon, lui. Lui ici, il est arrivé. Tout le monde s'en bat les couilles. Moi, je te contrôle, moi. Il est bon, lui. J'adore ce mec. Merci, Lino, pour cette belle soirée. Yeah, demain moi, de retour. Moi. Merci, mesdemoiselles. Merci, LFDV. Merci, Manon. Merci beaucoup. Calbo, très sage ce soir avec Tequila. Oui. On n'a pas eu de date de concert. On les aura certainement demain, entre 20 et 21, à pas louper. Non, il va arriver, il va donner ça. Il est en train de travailler. Juste avant de retrouver D-Fool, on fait tourner la roulette. C'est parti. 2015 démarre bien. Ah va bien, cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmotour de Soprano dans toute la France. Sophie, ça va bien, Sophie de Laval? Oui, bonsoir, Fred. En pleine forme. L'équipe. Et bien, bienvenue dans le Planétrap de Lino. Ouais, bonsoir, Lino aussi. Bonsoir. Tu es prête à faire tourner la roulette, Sophie? Ouais, pas de soucis. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Dissipé, il y a des gens qui... Il y a des mecs bizarres dans ce studio. Il faut plus accepter demain, Lino. Il y a des mecs qui font... Il y a des mecs qu'on va virer. Et ben voilà, Sopra en concert avec Skyrock, la tournée qui repart au mois de février. C'est pour toi, il y a 2 places, Sophie, super, qui t'attend. Ne change rien, toute l'équipe. Et ben, je peux faire une petite dédicace? Vas-y. Dédicace à toute ma famille du 35-53, à ma soeur encore. Et je souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde. Bonne année à vous. Mon frère Saint-Hilaire. Et bah Sophie a mué d'un seul coup. Merci. Mais qui c'était Sophie? Qui est ce monsieur? C'est Sophie qui a mué d'un seul coup. Nous n'avons pas été présentés. C'était qui, Sophie? Big up, salut. Ah bah ouais, il s'appelait Big up, salut. Merci à toi. Merci Lino, merci à vous tous pour cette soirée. Merci. On se retrouve demain un petit peu avant 20h pour la suite du Planète Rap. Qu'est-ce qu'il y a de fou? Je voulais faire un big up à mon pote Balrog de Bagneux qui va se marier. Ah, voilà, avec Rachida. Et donc on voulait Balrog. Tatiana aussi. Toi, voilà. On a invité au mariage. Pour Maros, Tatiana et Sayout qui va l'arriver. Teufa, tu peux me laisser parler parce que Teufa il prend un peu de place. Faut le virer. J'estime, mais il prend beaucoup de place. Tatiana, ma petite Russ et Sayout qui vient d'arriver. Eh bah, terrible. Bienvenue. Et merci à vous tous. On va retrouver D-Fool. Bon sac à sac. Et ouais. Et en direct du 41759 du Skyrock.fm, tes messages, Lino. Lino, le boss du rap pour Nicolas, 14 ans, qui vient nous laisser un message. Des frissons, tes morceaux. Message de FXDJ. Je suis bien en attaché de presse, t'as vu un peu? Ah, tu bosses bien, frère. Ah, t'as vu ça. Et lundi dans les bacs. On passe à la baraque, on va mettre un petit chèque de côté. Et on n'oublie rien, Lino, t'as vu? T'inquiète. Lino, tout au long de la semaine et la semaine prochaine aussi hein, sur Skyrock dans Planète Rap, c'est à pas louper, 20h, 21h. J'ai un Tipeee à côté du bureau de Bounot. Ah, tu couches là maintenant? Ah, mais c'est sympa. Comme les Indiens. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Une Tipeee. T'aurais même pu faire un igloo avec le temps qu'il fait. C'est vrai, Marie. C'est pas con. Marie, elle a des super idées, Lino. Ah, t'as vu un peu? Ah, tu connais. Hein. C'est pour ça qu'il faut être là tous les soirs des 21h. On et des 20h, on est là. Planète Rap, à pas louper. À demain. Merci, Fredo. De rien. À demain. Et bah, à demain, Fredo. À demain, Lino. Lino, Fredo, c'est le couple de la semaine. Oui, c'est ça. C'est de la rime riche. Quel couple. Très riche, même d'ailleurs. Très, très, très. Et encore plus à partir du 12 dans les bacs. À pas louper, il s'appelle Requiem. C'est Requiem, c'est l'album de Lino. Et demain, dans Planète Rap. demain le retour. Et ouais, dès 20h. Et nous, c'est parti. Attention, ça va être chaud ce soir. Invité mystère, on a eu Gradure qui est en pleine forme, Fredo. Gradure qui aura un truc à te dire. À cause de nous, on a gaffé, frère. C'est quoi? Ah bah, j'ai dit que tu supportais pas. Il t'a foutu dans la merde. Tu supportais pas quand il était en retard. J'ai demandé ses bonnes résolutions à Gradure. Ah oui. Donc Gradure, c'est lui, hein, pour ceux qui connaissent pas Gradure, le rappeur du Nord qui arrive avec un album lui aussi, Stan. Sur du Gradure, fait des pompes des tractions. On fait des pompes des tractions sur du Gradure. Des pompes des tractions. Oui, donc je lui ai dit que t'étais pas content quand, il arrivait en retard. C'est vrai. Et ça va se régler en direct sur Skyrock lors de votre prochaine rencontre. Et bien, je me mettrai de l'autre côté de la vitre. Ah bon? Ah bon? Parce que je pense pas faire le poids. Face à Gradure. Ou alors, je cherche un peu de muscle d'ici son arrivée. Bon, qui veut m'aider? Une greffe de muscle. Ah bah toi, tu débrouilles, Fred. Hein. Nous, on a plein de choses à faire. Le pauvre Fred, tu le fous dans la merde et en plus, après, tu le lâches. Et après, je me démerde. Ah ouais, seul, c'est ça. Ouais. Sympa. On aura un invité ce soir. C'est pas Gradure, puisqu'on l'a eu hier pour les vœux de cette nouvelle année. Qui ce sera? Eh ben, ce sera à découvrir. Comme c'était un invité mystère, je peux pas vous en dire plus. Restez bien avec nous. Forcément. Et la Radio Libre démarre dans un instant sur Skyrock. Et vous nous appelez dès maintenant, hein, vous tous en direct. Toute l'équipe est là, Romano, Lamarie, Cédric, Sarah, et Karim. Yes. Ouais. Et puis pour démarrer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour démarrer? Allez, un petit soprano. Allez. Un petit soprano, un petit soprano, allez. Allez, allez, Fresh Prince, c'est parti. Ah bah parfait, Jeffrey. Allez, un petit... Remets-nous des glaces. On se refait une petite tournée là. Ciao. Allez, petite tournée, c'est parti. Ciao. Ciao, à demain. Ciao. Ciao. Tous les matins sur Skyrock.